Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale, diverses et variées, se pose cette fois-ci et vous emmène par le biais des ondes du 100 FM de Radioactive vers à l'autre bout de la Terre, en fait, tout simplement. C'est la Nouvelle-Zélande. En fait, la Nouvelle-Zélande a une scène très intéressante, même si assez finalement peu connue. Les rares groupes qui ont réussi à passer le cap dans la région, en Europe, c'était les Bats, les Chills, et vous allez vous en rendre compte ce soir qu'il y a une vraie scène là-bas avec des choses assez originales, assez sympas. Plein de groupes très intéressants. Comme d'habitude, si vous avez besoin de savoir qui vous allez écouter ce soir, mettez-vous sur le site de la radio. Et donc dans la grille, à l'émission Lost in Space, et vous aurez le lien de tout ce qui passe. Bienvenue aux Antipodes, c'est parti. Across town. We'll go out and get drunk together and get to Peut-être vous souvenez-vous de cette histoire qui se déroule à Kalachi, un village du Kazakhstan au début des années 2010. Une agricultrice en train de traire ses vaches, un homme en train de marcher, un troisième qui travaille, en tout 150 habitants de cette bourgade de 600 âmes, s'endorment subitement en plein milieu de leur activité. Enfants, personnes âgées, femmes et hommes, personne n'est épargné par cette étrange épidémie du sommeil. But all they made was your grave. Who cares about the reasons you cut? Little cravings for news made them blind. And every corner you took, they'd be waiting in their droves for marijuana and merchandise. Who cares about Marilyn Monroe? That's not who they saw. They just saw the Barbie doll with feelings best ignored. Who cares about Marilyn Monroe? For years now she's been gone. We destroyed the Barbie doll, but we can't carry on. A salesman scheme, a tragic reality. Security was a dream. Cause everyone that you turned to didn't want them with you. They only wanted what they saw on the screen. Can't imagine the crying despair when there was no one there when you drew your final straw. Hollywood wrote the tragedy with the market as encore. Broken hearts were everywhere when you took your final course. But the saddest thing about a shattered dream was that the biggest broken heart was yours. Who cares about Marilyn Monroe? That's not who they saw. They just saw the about Marilyn Monroe. For years now she's been done. We destroyed the Barbie doll, but we can carry on. We can carry on. We can carry on. We can carry on. We can carry on. We can carry on. We can carry on. Au départ, il y a un bon père de famille, membre du Rotary Club, notable de province bien connu, ami des politiciens de droite. Au fil des années et des trouvailles, il se transforme en homme criblé de dettes, adepte de pratiques sexuelles pas très catholiques, fréquentant sans doute des maisons closes en Belgique, après avoir claqué les économies de sa femme, de sa belle famille, tout l'or des enfants, vendu les assurances vie et j'en passe. Time of the leaves was the very best time. Take my money. Walking, talking through them, time of the leaves. Walking through them, talking through them, time of the leaves. Time of the leaves was the very best time. Naked, stripped and left or bare. Naked, stripped and left all bare. Time of the leaves was a very best time. Walking, talking through them, time of the leaves. While we walking through the leaves, time of the leaves. Where are the leaves that you bought me today? Of the year, of the year. Naked, stripped and left or bare. Time of the leaves, time of the leaves. Naked, stripped and left or bare. Time of the leaves, very best time. Falling, falling, time of the leaves. Falling and shaking through them, time of the leaves. Time of the leaves. Time of the leaves. Walking through them, talking through them, time of the leaves. Time of the leaves was the very best time of the year. Of the Time of the leaves was the very best time. Of the year. Time of the leaves was the very best of the year. Time of the leaves was the very best of the time. Walking, talking through them, time of the leaves. Walking through them, talking through them, time of the leaves. Falling, falling, time of the leaves. Time of the leaves, have you got time? Have you got time? Have you got time for the leaves? Time of the leaves was the very best time. De toute façon, il vaut mieux qu'il fasse nuit, comme ça on voit mieux les étincelles. Thank you. Frank Poole n'avait guère l'habitude de dormir plus que nécessaire, mais cette nuit-là, des rêves étranges l'avaient tenu éveillé. Oh, vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron? Des œufs d'une discrétion compulsive dont sa femme comprend peu à peu les raisons. L'homme compartimente et tient sa vie sous clé, remplit ses agendas de secrets qu'il a emportés avec lui ou pas. Le mardi matin, le 27 janvier, j'ai un coup de téléphone pour me dire qu'on a retrouvé le corps de mon mari en Belgique, dans la Sambre. Donc, peu de temps après, j'ai eu la police belge qui m'a téléphoné pour me dire qu'ils avaient retrouvé le corps de mon mari le dimanche soir et qu'ils avaient fait une autopsie et qu'il ne fallait pas que je me déplace parce que je ne pourrais pas le reconnaître étant donné qu'il était en très mauvais état. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Parce que je pensais aller en Belgique, c'était sur Charleroi. Et là, je n'ai pas bougé et je l'ai regretté par la suite parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais si c'était vraiment le corps de mon mari parce que l'ADN n'avait pas été fait non plus. It's morning, time to wake now. Your body and mind entwined, we'll have to break now. But I want your flesh, your warmth to stay beside me. Oh, how I wish you could be deep inside me. Show me your eyes, your love, most tender feelings, and I'll give you mine, be truthful and revealing, cause it's you that I love, and it's true that I love, it's love not given lightly, but I knew this was love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. When we're alone, I cannot always face you. Maybe my mood won't let these arms embrace you. But that doesn't mean my love somehow diminished. Give me the time to show our love's unfinished. Cause it's you that I love, and it's true that I love, and it's love not given lightly. But I knew this was love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. I need your body, your mind, and your emotions. Shed me your tears till I drown in your oceans. Cause it's you that I love, and it's true that I love. It's love not given lightly. This was a love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. John and Leisha's mother. This isn't easy, I might not write another. But it's you that I love, and it's true that I love, and it's more than what it might be. That I knew this was a love, and it's you that I love, and it's love not given lightly. Cause it's you that I love, and it's true that I love. Love, and it's true that I love, and it's love not Il n'y a pas d'agent de service à la radio, ni de femme de ménage. Notre assoce est autogérée et le ménage est une tâche collective. Ouais. Yeah. mais la Sambre a été sondée 5 km, mais on l'a retrouvée 30 km plus loin. On m'a expliqué qu'il y avait 8 écluses à passer. Les 8 écluses avec une plaie au front, simplement, je trouve ça un peu bizarre. Surtout qu'à cette époque-là, l'hiver était rigoureux et les péniches ne sont pas passées pendant un mois. Elles avaient interdit de passage parce que c'était gelé. Je ne comprends pas qu'on retrouve le camp de mon mari 30 km plus loin. Voilà. This was Cactus Cat of our new EP from Flying Nun. LBGP EP 2. Where the gray cactus grows. There lives my baby, and everybody knows. Yeah, she is my cactus cat. She is my best friend. Are there any difficulty in being a female band? Oh, there used to be, but there's not anymore because people have gotten used to us. Only the presumption that it means something, that's a bunch of females together, but we just happen to be five musicians who get on well and play music together. That's all. But it can be a hassle. Sometimes people think we're a feminist band or... We're a girl band. Yeah, you know, we're going to play topless or something, but we just play music. Yeah, rock and roll. Gender has got nothing to do with it. Time. Listen, listen. mari a été retrouvé avec un sac à dos, avec un halter de 5 kilos. Pourquoi un halter? Pourquoi? Et nous, nous avons tout de suite pensé que ce que j'avais dit au départ, il s'est fait avoir, c'est qu'on l'avait lesté intentionnellement, c'est tout. Pour pas qu'il remonte tout de suite à la surface. Like to put out. police, ils n'ont pas fait d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête, ils ont retrouvé un corps, donc quelqu'un qui s'est noyé, bon bah c'est tout. Un corps repêché, pour eux c'est un suicide ou bien je sais pas. Thank you. j'ai appris 2 mois après qu'il n'y avait pas eu d'autopsie, qu'il n'y avait eu qu'un examen externe du corps. Quand je demandais à mon avocat de faire une autopsie, « Oh, mais non, il faudrait que ce soit un meurtre !» We'll be right back. Pour moi, il a été tué entre le 17 et le 21. 17 et 21 novembre 2008. Voilà. Il a été tué à cette époque-là parce que la monte était arrêtée au 21 novembre et vers 1h du matin approximativement, donc la nuit. Donc le corps a pu être mis la nuit dans l'eau. Voilà. Il a peut-être été séquestré, je ne sais pas. Il y a 4 jours de décalage. Une monte, mais pas 4 jours pour s'arrêter. I will be waiting here forever.